Chapitre 38e. On a disposé un lit pour le major Leland dans la salle à manger de la Villa des Roses et relevé les portières entre cette pièce et le salon afin de procurer ainsi plus d'air respirable au malade. Madame Trevenoak a sacrifié de bon cœur ses propres aises au bien-être de son hôte et prend maintenant ses repas avec sa fille à la cuisine. Nous y avons soupé souvent autrefois, se dit Florence, quand Amélie sortait le soir. Ce mot, autrefois, se rapportait toujours au temps où l'on avait grand-peine à joindre les deux bouts à la Villa des Roses. Depuis lors, moyennant les largesses de Barbara, Madame Trevenoak a pris des habitudes plus élégantes. Mais Florence ne prétend pas moins toujours que le luxe est bien peu de choses dans le bonheur. Cette année, le mois de mai justifie exceptionnellement sa réputation et il jette à profusion ses dons sur la terre étoilée de fleurs. Le temps est magnifiquement doux, presque chaud comme en juin. Florence a commencé ses promenades matinales dans le jardin. Le soleil radieux l'oblige à prendre une allée qui offre plus de fraîcheur que les autres. Elle trouve du muguet à l'angle ombragé du mur et le cueille pour son cher malade, toujours sous le coup d'une menaçante catastrophe. George Leland, qui se compare souvent à la feuille balayée par la tempête, a, de guerre lasse, quitté son lit sans sommeil et s'est étendu sur un sofa près de la fenêtre ouverte. En se penchant un peu, il aperçoit Florence qui va et vient comme une fleur qui marche. Bientôt, elle est près de lui et apporte au malade triomphalement le petit brin de muguet qu'elle vient de cueillir à son intention. Il le prend avec un tremblement de main qui trahit une émotion particulière et examine les mignonnes petites fleurs avec une attention passionnée. « C'est la fleur favorite de Barbara, dit-il. La première fois que je l'ai vue, elle en avait à son corsage. Ah, Florence, quel souvenir! Quand je serai mort, mon enfant, je désire qu'une main amie dépose dans mon cercueil un bouquet de muguet. Je compte sur vous pour donner satisfaction à mon triste désir. » Florence fond en larmes et répond « Mais mon ami, les muguets seront défleuris depuis longtemps, je vous assure. » « J'en doute, ma bonne Florence, et je compte sur vous. » Il y a 2 jours qu'elle a parlé d'écrire à Barbara. Depuis ce temps, Leland semble en proie à une agitation insurmontable. Il tressaille toutes les fois qu'on sonne à la porte d'entrée. Il repousse successivement livres et journaux. Rien n'est capable de fixer ses pensées. Si je vous lisais quelque chose pour vous endormir, sans doute ce n'est pas flatteur pour moi, mais la plupart du temps, vous vous endormez lorsque je vous lis de la poésie, et le résultat me console de cette petite humiliation. Une demi-heure de sommeil serait pour moi un vrai bienfait. Aimeriez-vous le djihour, par exemple? Oui, beaucoup. Vous ne préférez pas le corsaire? Non. Si le caractère du djihour est d'une moralité discutable, du moins ce héros savait aimer. Nous passerons la description de la Grèce, dit Florence, qui n'avait pas le faible de la nature, et nous entrerons tout de suite dans le vif du sujet. Leland est un admirateur enthousiaste du génie de Lord Byron. Pendant ses nuits solitaires sous la tente, alors que l'approche de l'ennemi et les rugissements des animaux féroces tenaient George Leland dans une alternative d'observation et de crainte, il luttait victorieusement contre le sommeil en lisant et relisant ses poèmes qu'il aurait pu réciter par cœur plus couramment peut-être que Florence ne savait les lire. Le son d'une voix féminine douce et modulée, pure et limpide comme le murmure d'une source cristalline, berce, rafraîchit et endort le pauvre malade. Un petit papillon blanc, une primeur ailée, voltige autour de la tête du major appesantie par le sommeil. Les lilas de Perse, couverts de fleurs, les aubépines qui s'entr'ouvrent, le soleil qui rayonne, envoient dans la chambre chaleur et parfum. Le malade a passé la pénible réalité dans le pays des songes. Il est aux Indes encore, devant Delhi. Les maisons brûlent, les palais s'écroulent. De la grande mosquée, on a fait un hôpital. Les camarades de George se pressent autour de lui. Tout est clameur et confusion. Les balles tombent drues comme grêle. Les hommes se tordent dans les angoisses de la douleur. Les noirs, aux visages torturés par l'agonie, aux turbans et aux ceintures écarlates, jonchent le sol. Puis peu à peu, la fumée disparaît, les palais féeriques s'éloignent, les coupoles dorées des mosquées s'évanouissent dans un ciel bleu voilé, le printemps éclate, le merle siffle, et Barbara se promène triomphante dans le jardin de la Villa des Roses au bras du capitaine indien. « Barbara !» s'écrie George Leland en s'éveillant en sursaut. Barbara. Une main tremble dans sa main. Et tout près de lui, pâle comme un lys, se penche le front pur de sa bien-aimée. Ah, c'est un rêve encore. Je crains de m'éveiller. Qu'ai-je fait pour mériter un pareil bonheur? Avez-vous pu douter que je viendrais? Non, ma chère Barbara, je l'espérais. Et cet espoir m'a tenu éveillé deux jours et deux nuits. Enfin, vous voilà. Combien y a-t-il de temps que vous êtes ici? 5 minutes, tout au plus. Avant même que Florence m'ait fait part de votre désir, nous avions le projet de vous venir voir. Mon mari veut vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Il ne me doit aucune reconnaissance. J'ai fait pour lui ce que j'aurais fait pour tout autre. Florence m'a dit, Barbara, que vous avez un fils. Oui, un chérubin, que je serais bien fier de vous présenter si cela ne vous fatigue pas. En le voyant, je pourrais moi aussi entonner le cantique du saint vieillard Siméon. Ah, c'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez aller en paix votre serviteur. Souvent, sous le ciel de l'Inde, resplendissant d'étoiles, je me livrais à de si doux rêves. Vous m'apparaissiez belle et pure comme la Madone, un enfant blanc et rose endormi dans vos bras. Mais le bonheur ne devait être pour moi qu'un songe ou un mot vide de sens. Que Dieu vous donne, ô ma bien-aimée, ce qu'il m'a refusé. Asseyez-vous dans le fauteuil de Florence, que mes yeux se reposent sur vous. Quand je suis parti pour les Indes, j'ai craint, après vous avoir quitté à Southampton, de devenir fou de regrets, mais aujourd'hui, je sens que je n'ai pas encore épuisé le calice d'amertume et que la prochaine séparation sera le déchirement suprême. Ah, pourquoi ai-je abandonné la proie pour l'ombre? Pourquoi suis-je retourné aux Indes? Pourquoi ai-je poursuivi la gloire? Pourquoi ne me suis-je pas contenté du bonheur? Parce que l'amour de la patrie doit primer tous les autres et qu'une grande âme comme la vôtre n'abandonne pas sa carrière au moment du danger. C'est vrai, Barbara. J'ai fait mon devoir et cela m'est une consolation. Oui, j'ai travaillé à la grande œuvre. Un autre achèvera ce que je n'ai pu faire, et mes efforts ne seront pas perdus. En prononçant ces mots, il retombe sur l'oreiller, épuisé de faiblesse. La sueur inonde son front. Barbara essuie avec son mouchoir le visage ravagé du pauvre moribond et lui donne une potion qu'il boit avidement. « Je désire voir votre mari, dit-il. Je tiens à le remercier de vive voix de vous avoir amené ici. » Barbara va chercher Vivien, qui entre seul dans la chambre du malade. « Je ne puis vous exprimer toute ma reconnaissance, » dit à M. Penroth, le major Leland, en lui tendant une main décharnée et brûlante, à demi soulevée sur son sofa. « Pourquoi donc aurais-je refusé cette consolation à mon sauveur? Pourquoi l'aurais-je refusée à ma chère et sainte femme? Rien ne peut égaler ma confiance en elle, si ce n'est ma reconnaissance pour vous. À demain, major Leland. » Car il ne faut pas abuser de vos forces. Vous avez besoin de repos. » Vivien retrouve Barbara dans le jardin et lui dit qu'il a des affaires à Londres, mais qu'elle peut rester à la Villa des Roses où il viendra la reprendre le lendemain. « Ah, mon ami, » dit-elle à son mari, « puissiez-vous le retrouver demain ?» Barbara ne peut plus se faire d'illusions. Florence lui a dit que la fin est imminente, inévitable. Elle sait que la main de Dieu peut briser d'un moment à l'autre cette existence si chère. Ses lèvres ne murmurent plus qu'une longue prière et le nom de George Leland. Elle pleure sur cette âme héroïque, déjà aux prises avec le fantôme de la mort. Et elle regarde de loin l'endroit où elle enfouit sous les lys les lettres de son bien-aimé. Puis elle remonte dans la chambre de Madame Trevenock et s'assied près de la fenêtre ouverte. Le jour baisse, un morne silence règne dans la maison. Le livre des livres est ouvert devant elle à ce verset « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi ne mourra pas. Sous un ciel couvert de nuages, la lune se lève, pâle et triste. Le calme solennel de la nuit se répand sur la Villa des Roses. Florence, le visage inondé de larmes, entre et fait signe à sa sœur de la suivre. Une veilleuse, allumée près du lit de George Leland, ajoute au caractère lugubre de cette scène. L'altération des traits, l'œil vitreux, le visage qui se décolore ont déjà l'aspect de la mort. Madame Trevenock, Florence et Barbara tombent à genoux à côté du lit. « Barbara, » dit-il en cherchant avec la main le front de sa bien-aimée, « mon amie, je suis ici. »« Près de vous ?» répond-elle, la voix entrecoupée par les sanglots. « Barbara, l'Angleterre. Mon Dieu, que je vous remercie. Je me croyais à Lucknow, entouré d'Indiens, au visage cuivré. Mais j'entends la voix de Barbara. Je vois le ciel de ma patrie. Je meurs heureux. » Puis il approche ses lèvres, déjà à moitié glacées, du front de Barbara, et murmure tout bas. « Si nous devons retrouver au ciel ce que nous avons aimé, la mort n'est pas la mort. » Barbara reste à genoux, tenant dans sa main la main du héros expirant, et à minuit, il passe du repos terrestre au sommeil qui n'a de réveil qu'aux cieux.